1 Pierre chapitre 3. Que les femmes aussi soient soumises à leur mari, afin que même s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole, par la conduite de leur femme. Lorsqu'ils auront vu la pureté de votre conduite, accompagnée de crainte. Et que leur ornement ne soit point celui de dehors, qui consiste dans la frisure des cheveux, dans une parure d'or, et dans la magnificence des habits. Mais que leur ornement consiste dans l'homme caché dans le cœur, c'est-à-dire, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, et qui demeuraient soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, l'appelant son Seigneur, de laquelle vous êtes les filles en faisant bien, lors même que vous ne craignez rien de ce que vous pourriez avoir à craindre. Vous, Marie, aussi, comportez-vous discrètement avec elle, comme avec un vaisseau plus fragile, c'est-à-dire, féminin, leur portant du respect, comme ceux qui êtes aussi avec elles héritiers de la grâce de vie, afin que vos prières ne soient point interrompues. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, remplis de compassion l'un envers l'autre, vous entraînant fraternellement, miséricordieux, et doux, ne rendant point mal pour mal, ni outrage pour outrage, mais au contraire, bénissant, sachant que vous êtes appelés à cela, afin que vous héritiez la bénédiction. Car celui qui veut aimer sa vie et voir ses jours bienheureux, qu'il garde sa langue de mal, et ses lèvres de prononcer aucune fraude. Qu'il se détourne du mal, et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix, et qu'il tâche de se la procurer. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui se conduisent mal. Or, qui est-ce qui vous fera du mal, si vous êtes les imitateurs de celui qui est bon? Que si toutefois vous souffrez quelque chose pour la justice, vous êtes bien heureux, mais ne craignez point les maux dont ils veulent vous faire peur, et n'en soyez point troublés. Mais sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à répondre avec douceur et avec respect à chacun qui vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que ceux qui blâment votre bonne conduite en Christ, soient confus en ce qu'ils médisent de vous comme de malfaiteurs. Car il vaut mieux que vous souffriez en faisant bien, si la volonté de Dieu est que vous souffriez, qu'en faisant mal. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, étant mort en la chair, mais vivifié par l'Esprit. Par lequel aussi étant allé, il a prêché aux esprits qui sont dans la prison, et qui avaient été autrefois incrédules, quand la patience de Dieu les attendait une fois, durant les jours de Noé, tandis que l'arche se préparait, dans laquelle un petit nombre, savoir, 8 personnes, furent sauvées par l'eau. À quoi aussi maintenant répond la figure qui nous sauve, c'est-à-dire, le baptême, non point celui par lequel les ordures de la chair sont nettoyées, mais la promesse faite à Dieu d'une conscience pure, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel, et auquel sont assujettis les anges, et les dominations, et les puissances.